Mixtape, les coulisses du son. En couleur, en concert. Sur RQC. Vous écoutez Backstage. Eh ben, bien le bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs, auditrices d'RQC 95 FM. Avec vous jusque 10h30, Scream pour l'émission Backstage. Aujourd'hui, ben, j'ai décidé de vous faire un backstage un peu plus rythmé. On va d'abord s'écouter le premier titre, comme on fait d'habitude, et puis après, on se retrouve pour rentrer dans le vif du sujet et la présentation de ce backstage. Voilà, c'est parti, les amis. Give Voilà, donc le premier titre qu'on vient de s'écouter, c'est Woman, et le backstage est consacré à Def Leppard, extrait de l'album Hysteria, sorti en 1987 et ressorti en Deluxe Edition en 2006. Donc Def Leppard est un groupe anglais considéré comme hard rock, heavy metal, glams, et l'activité de ce groupe a commencé en 1977-77. Ils sont signés chez Mercury, Universal, Phonogram, Record, Vertigo, Polygram, donc un super groupe. Si vous avez l'occasion de les voir, s'ils passent par chez vous, allez les voir. Donc il y a même le site Def Leppard, donc defleppard.com avec deux P et un F, Def Leppard, ce qui veut dire léopard sourd tout simplement. Alors la composition du groupe, c'est Joe Elliott au chant, Rick Savage à la basse, Rick Allen à la batterie, Phil Collen à la guitare et Vivian Campbell à la guitare. Ancien membre de groupe, Steve Clark qui était à la guitare, Pete Willis à la guitare, Tony Keening à la guitare aussi, Frank Noom basse, Jen Rich en remplacement de Rick Allen en 1986 qui lui l'a remplacé à la batterie. Alors Def Leppard est un groupe de rock britannique originaire de Sheffield en Angleterre, particulièrement populaire dans les années 80. Le groupe est associé à la nouvelle vague de heavy metal britannique. En 2009, le groupe recense plus de 65 millions d'albums vendus dans le monde. Après, je vous parlerai un petit peu des années du groupe, hein, de 77 à 83. Et en attendant, on va s'écouter Rocket, deuxième extrait de cet album qui est monstrueux. Et la production derrière, vous avez pu d'ailleurs écouter le son qu'il a, cet album, c'est pharaonique. Backstage, les coulisses du son. Loaded, down. Rocket, c'était le deuxième extrait de cet album, donc Hysteria, sorti en 1987. Alors, aux premières années, donc de 1977 à 1979, le groupe Atomic Mass naît du duo de copains guitaristes Pete Willis et Rick Savage, accompagné du batteur Tony Keening en 1977. Qui étudie dans le même lycée de Sheffield. Pete Willis rencontre un certain Joe Elliott dans un bus et celui-ci est immédiatement auditionné au chant. Il devient le chanteur attitré du groupe mais propose comme nouveau nom Def Leppard, le léopard sourd. C'est finalement la forme contractée Def Leppard qui est adoptée. En janvier 1978, le groupe engage Steve Clark comme second guitariste. En novembre 1978, Tony Keening quitte le groupe. Frank Noon est en un temps le batteur du groupe, mais c'est finalement Rick Allen, un jeune garçon de 15 ans, qui devient le batteur de Def Leppard. Leur répertoire comprend alors des reprises de Bowie et de Black Sabbath. Début de la célébrité en de 80 à 83, le groupe sort son premier album On Through the Night en mars 1980. Et celui-ci atteint le top 15 en Angleterre. Le groupe part en tournée US en ouverture de Pat Travers, AC/DC et Ted Nugent. Ils sont repérés par Robert Mutt Lange, le célèbre producteur d'AC/DC. Puis, une année plus tard, l'album High and Dry, produit par Mutt Lange, voit le jour. L'album connaît un bon succès dans les charts grâce au single Bringing On the Heartbreak, qui passe beaucoup sur MTV. Le groupe part alors en tournée européenne, en première partie de Ozzy Osbourne en 1982. Pete Willis est éjecté du groupe qu'il avait contribué à créer pour des problèmes d'alcool. Il est remplacé par Phil Collen, guitariste du groupe de glam rock Girls. L'album Pyromania, qui sort en 1983, est un succès aux États-Unis. 6 millions de copies vendues en 1984 et 10 millions en 2004. Où le groupe tourne beaucoup, il contient les tubes Photograph, Rock of Age et Fooling. On continuera tout de suite après. Là, on va s'écouter un troisième extrait avec le titre The Animals. Vous écoutez Backstage. Comes to town. Animals, troisième extrait de l'album Hysteria, qui est une véritable bombe. En parlant justement de Hysteria, donc Hysteria de 1984 à 1989, le 31 décembre 1984, le batteur Rick Allen perd son bras gauche dans un accident de la route. Donc je ne vais pas revenir sur les circonstances. La voiture a quitté la route, c'était un cabriolet, la voiture s'est retournée sur son bras. Et voilà, enfin. Malgré la gravité de l'accident, Allen veut continuer à jouer au sein de Def Leppard. Il y parvient grâce à une batterie personnalisée, fabriquée pour son propre usage, avec l'aide de Chris Sledd, ex-batteur de Tom Jones et de AC/DC. Il est soutenu tout au long de cette épreuve par les autres membres du groupe, qui n'imaginaient même pas lui trouver un remplaçant. Donc voilà, il s'était fait dire qu'à l'époque, Def Leppard allait arrêter, mais non, ils ont patienté et ils ont bien fait, car c'est un batteur monstrueux, même qu'avec un bras. En août 1986, le groupe participe au Monster of Rock de Dominton. À cette occasion, Rick Allen est acclamé par la foule présente le 3 août 1987. Après 3 ans d'enregistrement, le groupe accouche de son 4e album Hysteria. Le single Animals devient le premier titre du groupe à accrocher le top 10 dans leur pays d'origine, atteint la position numéro 6 au sein du titre. C'est aussi pour ce titre que débute leur incroyable série de 10 chansons consécutives dans le top 10 des Billboard Hot 100. Les ventes aux États-Unis, alors dominées par le glam metal de Bon Jovi ou encore Motley Crue, tardent à décoller par rapport à Pyromania. Le déclic survit avec la sortie du 4e single pour Someone Stronger Than Me, une chanson salace qui vaudra au groupe une sale réputation auprès des critiques. Cependant, son succès populaire est indéniable. Les titres se classent 2e du Billboard et entraînent dans son sillage les ventes de l'album sacré première du Billboard 200 en juillet 1988. La vidéo de Pure Someone Stronger Than Me est très demandée sur MTV entre mai et septembre de la même année. Le titre est considéré comme emblématique de Def Leppard et fut désigné en 2006 pour la chaîne VH1 comme faisant partie des 100 meilleures chansons de l'année 1980, des années 80. En octobre 1988, la ballade rythmée de Love Bite consacre la popularité du groupe aux États-Unis et en devenant numéro 1 du Billboard 100. Ce morceau fait partie des classiques de la décennie et est considéré comme l'hymne ultime des amoureux en souffrance. Sa sortie tombe à pic au cours des années 1988, dominée par des formations de hard rock comme le glam rock, en dépit du refus catégorique de ses membres à l'idée d'être associé aux formations glam metal telles que Poison ou Motley Crue. Def Leppard ne parvient pas à éviter la comparaison avec ces groupes et sera régulièrement comparé à Bon Jovi, qui connaît dans le même temps un succès retentissant. L'année 1989 voit le groupe continuer de surfer sur la vague Hysteria. En janvier 1989, Armageddon Hit se classe numéro 5 aux États-Unis. Hysteria demeure l'un des rares albums à avoir produit au moins 7 singles classés au Hot 100. Woman en 80e place, Animals 19e, Hysteria en 10e, Pure Someone Stronger Than Me en 2e, Love Bite numéro 1, Armageddon Hit en numéro 3, Rocket en numéro 12. L'opus reste présent dans les charts pendant 3 ans et se vend à 20 millions d'exemplaires dans le monde. La tournée qui l'accompagne est un succès remarquable auprès des fans au American Music Awards de 1989. Def Leppard remporte le prix du meilleur groupe de hard rock heavy metal ainsi que celui du meilleur album heavy metal hard rock pour Hysteria. Le 8 janvier 1991, le guitariste Steve Clark meurt après avoir absorbé un mélange d'alcool et de médicaments. Le groupe se retrouve alors à 4 pour l'enregistrement de son prochain album. Il recrute un nouveau guitariste, Vivian Campbell, ex-Dio et Whitesnake. En mars 1992, l'album Adrenalize sort. Steve Clark qui s'est retrouvé, donc on l'a retrouvé mort en bas de ses escaliers, la nuque brisée à mon avis. Il a succombé à sa chute. Allez, on va s'écouter pour moi la chanson vraiment phare de cet album. La quatrième, c'est Love Bite de Def Leppard, une véritable bombe, cette chanson. Et cette chanson, ça a été aussi produit par Steve Clark. C'était un monsieur qui avait un grand, grand talent et une grosse, grosse présence scénique. Je parle en connaissance de cause d'avoir pu les rencontrer à cette époque. C'était vraiment un grand, grand monsieur, Steve Clark. Voilà. En couleur, en concert, sur RQC. If you could live in innocence, watch out, live nights. Do you tell lies? On ne vous a pas tout dit, l'émission qui fait débat, quand les acteurs locaux se mobilisent et prennent la parole sur notre présent, notre futur. On ne vous a pas tout dit, les troisièmes mercredis du mois, en direct et en public, de janvier à mai. Le troisième mercredi du mois, de 20h30 à 22h30. On ne vous a pas tout dit. Proposé par la ville de Moucron, le centre culturel moucronois, produit et réalisé par RQC. Voilà donc, c'était une superbe chanson hein, Def Leppard, Love Bite. Alors en 2001, j'ai un petit peu raccourci quand même parce qu'on a tellement de choses à dire sur Def Leppard. Faut savoir qu'après Adrenalize en 93, il y a eu Retroactive, en 96 Slang, en 99 Euphoria, en 2002 l'album X. Voilà, donc en 2001, la VH1 produit et diffuse Historia, ce Def Leppard Story, un téléfilm réalisé par la chaîne de production américaine VH1 retraçant la naissance et le début du groupe. Le dixième album de Def Leppard s'appelle The East End, donc tout simplement, voici le groupe qui change de direction musicale. Ils disparaissent rapidement dans les classements en voulant changer tout simplement d'orientation musicale. Alors les derniers événements de Def Leppard depuis 2010, hein, parce qu'après il y a eu l'album donc en 2006 qui était pour moi vraiment pas terrible. Après en 2008 il y a eu Song from the Sparkly Lunge en 2008 donc. Depuis 2010, Mirrorball est un album double live et commercialisé en Europe le 3 juin 2011, dans le reste de l'Europe le 6 juin et aux États-Unis le 7. C'est une période de Def Leppard est annoncée pour jouer au Download Festival le 10 juin 2011. Trois singles sont extraits de l'album, le premier étant In the Thing Tinted. Def Leppard joue dans une tournée de deux en Amérique du Nord aux côtés de Hertz, ainsi que 7 concerts en Australie en octobre avec The Cryo Boy et Hertz, 2 concerts au Japon en novembre et 6 au Royaume-Uni en décembre avec les Steel Panther et Motley Crue. L'année suivante, il joue avec Poison et Lita Ford durant l'été 2012 entre le 20 juin et le 15 septembre au Rock of Age 2012 Tour. Encore l'année suivante, Def Leppard joue 11 shows au Hard Rock Hotel au Casino de Las Vegas dans le Nevada. Un album live intitulé Viva Hysteria est commercialisé le 23 octobre 2013. Il s'agit de la première fois que le groupe joue un album live du début à la fin. Le groupe enregistre un nouveau quelques succès ainsi que l'album Hysteria dans son intégralité. En juin 2013, Vivian Campbell annonce de souffrir de lymphome de Hodgkin. Il confirme sa participation avec Def Leppard au concert programmé. L'idée d'annuler et de reprogrammer un concert dégoûtait Vivian. Le 11 février 2014, le groupe fait paraître une édition deluxe remasterisée de l'album Slang. Après quelques retards, l'album se compose de 30 chansons, dont des démos B-side, les phases B, hein, et chansons exclusives du 23 juin au 31 août 2014. Def Leppard et Kiss sont programmés pour jouer dans 42 villes. En 2014, le groupe annonce quelques projets parallèles, dont un carton et un documentaire cependant. Ces projets semblent définitivement tomber à l'eau. Un nouvel album est par la suite prévu. Le nouvel album est prévu pour être un EP, mais la liste des chansons dépasse les 15 chansons. En juin 2014, l'album est programmé pour la sortie 2015 avec une tournée qui suivra. Alors, le style musical et l'héritage de Def Leppard, Def Leppard émerge de la fin des années 1970 en tant que groupe phare de la New Wave of British Heavy Metal. Cependant, au milieu des années 1980, le groupe a de plus en plus associé à la scène glam metal en raison de leur succès populaire et de la production poussée par le groupe et fait l'objet donc, dont le groupe fait l'objet, l'album Pyromania est cité comme un précurseur de nouveau pop metal qui balayera les années 80. Cependant, les membres du Def Leppard ont plusieurs reprises exprimé leur dégoût de formations glams metal telles que Motley Crue ou Poison. Ils refusent d'être catégorisés en tant que glams, expliquant que ce genre ne reflète ni leur look ni leur style musical. En moment de la sortie d'Historia en 1987, le groupe révèle que son propre à lui, en composant notamment des batteries électroniques, fatalement, vu que la batterie a été adaptée pour Rick Allen, hein, et des effets sonores de basse, de guitare. Le seul groupe glam metal avec lequel Def Leppard s'associe volontairement est Bon Jovi. Les deux formations entretenant par ailleurs de très bonnes relations. Def Leppard fait partie, avec les Beatles, Led Zeppelin, Pink Floyd et Van Halen, des cinq seuls groupes de rock ayant produit deux albums studio dont les ventes ont dépassé les 10 millions d'exemplaires aux États-Unis. Pyromania et Historia figurent tous les deux sur la liste des 500 meilleurs albums de tous les temps compilés par le magazine Rolling Stone. On va s'écouter un cinquième extrait avec Pour Someone Stronger on Me de Def Lepp. Voilà. Vous écoutez Backstage. Step inside, walk this way, you and me, babe. Can I be your man? Hey, hey, hey, hey. Rising in Cinquième extrait donc, Pour Someone Sugar on Me, meilleur tube de l'album Hysteria. Alors, en parlant de l'album Hysteria, il est sorti le 3 août 1987, et le studio, ça a été de février 84 à janvier 87. Il est enregistré à Whistleborg, dans le studio Evelstrum aux Pays-Bas. La durée de l'album est de 62 minutes 40. Il est considéré comme le hard rock. En hard rock, il est produit par Robert Lunch, donc producteur d'AC/DC entre autres. Il est sorti sur l'album Mercury Record. Hysteria est un album de Def Leppard sorti en 87. Donc, il contient notamment le morceau Pour Someone Sugar on Me. Hysteria est le plus grand succès commercial du groupe avec à ce jour plus de 20 millions de copies vendues dans le monde. 7 titres sont sortis en single et de nombreux titres enregistrés en studio ou bien en concert sont dissimés sur des faces B ainsi que des remixes. En 2006, Hysteria ressort avec toutes les faces B de l'époque et rapporte en rapport avec l'album, le titre inédit sont ajoutés en remix ainsi que les lives pour arriver à un double album de 27 titres. La formation, il y a Joe Elliott au chant, Steve Clark à la guitare, Phil Collen guitare, Rick Savage à la basse, Rick Allen à la batterie. Alors il y a aussi The Bunkgroup Brothers. En réalité, c'est Def Leppard qui font les chœurs, mais ils se font appeler The Bunkgroup Brothers. Alors la liste des pistes, Woman, Rocket, Animal, Love Bite, Pour Someone Sugar on Me, Armageddonite, God of War, Don't Shoot Shotgun, Run Riot, Hysteria, Acceptable, Love and Infection. Alors il y a aussi en face B le Tear in Dawn, réenregistré pour Adrenalize, Ride into the Sun sur face B, réenregistré dans la même chanson en 1978 qui aura une nouvelle intro pour l'album Retroactive. En 3, Ride on Fire, face B, réenregistré partiellement pour Retroactive, dont une nouvelle intro. I Wanna Be Your Hero, face B, dont le titre travail était Love Bite. En 5, Release Me, face B, crédité Stumpsun Mixum and God of Boyle, qui est une véritable farce. Il y a Tonight, morceau non utilisé à l'époque, enregistré pour Adrenalize. Desert Song, morceau utilisé à l'époque, complété pour les nouveaux morceaux enregistrés en 1993. Et Factured Love, morceau non utilisé à l'époque, complété avec des nouveaux enregistrements pour 93 pour Retroactive. Je vous parlerai après des titres de l'album Deluxe. Avant ça, on va s'écouter Armageddonite. En couleur, en concert, sur RQC. Dance. Ah, c'est pas mal du tout quand même, hein. Avec le Armageddonite de Def Leppard, donc l'album Hysteria sorti en 1987. Alors je vous l'ai dit, en 2006, ils ont sorti en la version de luxe. Alors on avait Woman, Rocket, Animals, Love Bite, Pure Someone Singer on Me, Armageddonite, God of War, Don't Shoot Shotgun, Run Riot, Hysteria, Excitable, Love and Infection, Tearing Down, Ride into the Sun, I Wanna Be Your Heroes, Ring of Fire. Ça, c'était pour le CD numéro 1. En CD numéro 2, on avait donc Electric Ted en live, Love and Infection live, Bill Ingen Gun en live, Rock of Age Midley, No Fade Away, My Generation, Radar of Love, Come Together et World Lota. Donc c'est du live. Woman live, Animals extended version, Pure Someone Songer on Me en extended version, Armageddonite en nuclear mix, Excitable en organisme mix, Rocket en lunar mix et Release Me en Stupid's Mixes. Voilà, on va s'écouter un autre titre avant de se dire au revoir. On va s'écouter Hysteria. Backstage, les coulisses du son. Yeah. super chanson quand même, hein, ça, Hysteria, donc bien entendu de Def Leppard, le backstage consacré à ce super groupe, et une chanson en plus qui a été composée par Steve Clark. Voilà, Steve Clark, rip à toi, hein, tu nous manques vraiment sur la scène rock. Voilà, on va se quitter, nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau backstage. Et là je vais vous jouer donc extrait de l'album Deluxe de Def Leppard, Rock of Age en version midley live. Comme ça vous allez vous rendre compte de l'énergie aussi que le groupe dégage en concert. Ciao les amis, à la semaine prochaine. En couleur, en concert sur RQC. Eh bien, sachez que c'est l'émission de samedi dernier qui va être diffusée à l'instant.